Le ciment à peine sec, ils achètent un logement dans cet ensemble. Cet ensemble qui donne sur le cimetière peuplé de vide. Et le ciment n'est toujours pas sec. Un matin, un mur tombe sur l'enfant. Il se retrouve enterré vivant. Il sèche enfin le ciment. Et l'enfant est accompagné au cimetière où il repose dans son ciment enfin sec.